Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 14 au 20 février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné! Je suis là! On va gagner, on va gagner. Non? We will... Non. We will rock you, ça que t'as chanté? Bon, ben c'est bien ça. Vous entendrez ses succès et d'autres dans les Palmarès, c'est fou cette semaine. Ceux de la semaine passée, les numéros 1, on parle en francophone de Chroméo avec J'ai claqué la porte. Et du côté anglophone, c'était Nans and Nath avec Tell Me. On va savoir d'ici la fin de l'émission si tout ça tient. On a une tonne de nouvelles entrées. Vraiment, d'habitude, je dis qu'on a beaucoup. Ça veut dire, bon, tu sais, c'est 7, peut-être 8, mettons, si on pousse vraiment notre chance. Mais là, c'est vraiment énorme. On a 6 nouvelles entrées de chaque côté. Wow. Oui, fait que on a beaucoup. C'est ça, juste pour vous dire, là, mettons, là, on a comme Eugène Le Cheval, Valès Parietar, Martin Léon, Jérôme Minière, Jérôme Dupuis-Cloutier, Rural Alberta Advantage, Tokyo Police Club, Danko Jones, Sufjan Stevens, The New Pornographers. On va commencer du côté des 20e positions. En anglo, tantôt, une nouvelle entrée de Christopher Dinian avec Gotta Move. Et du côté franco, c'est Galaxy. C'est plus Galaxy 500 maintenant, c'est Galaxy seulement. Exact. Et le titre de la piste, Piste 1. Ouais. C'est pas très descriptif. Original, par contre. Oui, pour ça, ouais. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. Et tantôt, Guess What avec Stéphanie et un instant classique avec moi. Entrée.

wasted night. Now love's waiting tonight. Now love's wasted tonight. C'est incroyable de dire qu'on a, on vient de jouer 4 pièces en même temps et on a juste le tiers de nos nouvelles entrées de fête. C'est épouvantable. Ça a pas de sens. On vient d'entendre The Rural Alberta Advantage avec Stamp en position numéro 19 anglophone. Et avant, en position 19 du côté francophone, c'était Jérôme Dupuis-Cloutier avec Homme d'instinct de son album Gentleman Refroidi. On a débuté avec les 20e positions en anglophone, c'était Christopher Dinian avec Gonna Move. Et côté franco, Galaxy avec piste 1. Voilà. Il nous reste encore combien? 2, 4, 6, 8 nouvelles entrées. Donc continuons tout de suite. Perdons pas plus de temps que ça. Je crois que la première heure va être dédiée au complet aux nouveautés. Hein. Ouais, probablement. Du côté anglophone, la 18e place est occupée par une nouvelle entrée. Yay de Tokyo Police Club, End of the Spark. Et du côté franco, c'est Jérôme Minière avec le café espagnol de l'album Le Vrai Le Faux. C'est au palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Du temps, d'un geste de la main, et

QTR, c'est tout dans vos oreilles. Numéro 17. Nouvelle entrée. Bloc de nouvelles entrées. On a entendu quatre pièces. C'était Danko Jones avec Tonight is Fine, une nouvelle entrée en 17e position anglophone. Et du côté franco, c'était Martin Léon avec la pièce All In. Alors, on a entendu les 18e places. En anglo, c'est Tokyo Police Club avec End of the Spark. Et en franco, Jérôme Minière avec la pièce Le Café Espagnol. Comme je disais, il nous reste encore le tiers des nouvelles entrées. Donc, quatre autres pièces qu'on va entendre aussi dos à dos, back to back, full old school, old spice, spice sweet and sour. OK. D'accord. On va entendre donc les positions numéro 16 et 15. Tout à l'heure, en 16e anglophone, ça va être Sufjan Stevens avec I Want to Be Well. Et en franco, c'est une nouvelle pièce de Vanessa Parietter, la pièce Archipel de l'album Canicule et Ours Polaire. Et un jour, on va revenir à notre rythme habituel d'une position par bloc. On a trop de nouvelles affaires. On va avoir 2 heures pour faire ça. Ouais. Oh, myself a death row or the misery causes. Do yourself a favor, do yourself a death row or the misery causes. Well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be, well, I want to be. I forgive you even as you choke me that way with the filth or demon and the shroud is shalom under conversation in tremendous weight of a crowd of ages outside dressed in motor. Sufjan Stevens, c'est la pièce I Want to Be Well, 16e position anglophone sur l'album The Age of Odds. C'est la deuxième pièce de cet album-là après I Walked. Ouais. Une chance qu'on jouait quatre pièces, Mathieu. Hein? Est-ce que. Ah, on était. C'est vrai? Ah, était peut-être. Non, la raison. C'est qu'elle était longue, la pièce. C'est parce hein? qu'elle était longue. Je suis d'accord. La pièce était très longue. C'est pour ça. Tu me comprends. Oui, il va juste nous rester deux nouvelles entrées à faire jouer, ce qui va probablement terminer la première heure de l'émission. Tout à fait. Donc, on va y aller à l'instant. Du côté anglophone, on va entendre The New Pornographers avec Moves en 15e anglophone. Excellent album Together oui. de The New Pornographers. Et avant, on va entendre du côté francophone Eugène et le Cheval avec la pièce Appartement. Puis faites comme si on n'avait pas parlé. Vous êtes probablement assez fous au 89 FM. Yeah. font ça d'anglais, les petites voix de même. C'était The New Pornographers avec la pièce Moves de leur album Together. C'était à la 15e position côté anglophone. Et notre dernière nouvelle entrée. Oui, même chose du côté franco. Avant ça, c'était Eugène Cheval avec Appartement sur le Maxi Appartement /1955. Donc, Maxi de deux pièces pour Eugène et le Cheval. Comme tu le disais, oui, c'était la fin de la première heure. Il va y en avoir une deuxième tantôt. On va entendre Jimmy Hunt, Paul Carniello, Cri du chat, The Rescue, Lauren Best, Black Mountain. Plein d'excellents groupes. Alors, reste avec nous. C'est les Palmarès, c'est fou! Ah, c'est fou le rodage. C'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 février 2011. Elle, c'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bon retour les palmiers. Bon retour. Hi the Palmiers. Palmiers. Palmiers. Palmiers. Palmiers. Ah oui, ben t'as raison, l'accent était pas sur la bonne syllabe. On a fini avec nos nouvelles entrées dans la première heure, alors on va poursuivre avec d'autres pièces, mais tout aussi excellentes. Ben évidemment, du côté anglophone, la 14e position est occupée par Katie Moore et Something on Your Mind. Pourquoi ça vous dit quelque chose? C'est parce que c'était une nouvelle entrée la semaine passée en 18e place, ça a donc monté de 4. Et du côté francophone, c'est la pièce La vérité n'existe plus de Paul Carniello et ça baisse de une position. Et reste avec nous parce que juste après, c'est un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. La vérité est... La vérité n'existe plus. Le roi et la reine, l'humidité et la haine, des arcs-en-ciel sans couleur, aux gloires de l'empereur, le cavalier et le fou, la peur et le doute, des milliers de rêveurs tombés au chant dans l'heure. La vérité n'existe plus. Le sang est dans tes yeux, le pouvoir n'est plus dans tes mains. Les temps pour être mieux, tu marches nouveau terrain. Il n'y a pas de vérité, toujours à chercher, avec rien à trouver. Thank you.

C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 14 février. Journée aujourd'hui, François était pas là. Et c'était intéressant de marcher à Trois-Rivières à 6h le matin. Qu'est-ce qui se passe à Trois-Rivières à 6h le matin? Argent. Argent pantoute, comme on dit. Je comprends bien, le monde dort à cette heure-là. C'est le fun. Quand il fait pas trop froid comme aujourd'hui, là, ça me fait prendre de l'air. J'apprécie énormément sur le congé à François. Ben, tu demanderas à François de plus venir te chercher. Parfait! Bon, voilà pour les meilleurs moments d'assemblage requis, c'est du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, ici même sur les ondes de C'est fou, avec François-Xavier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, et Stéphanie Gagné et plein d'autres chroniqueurs se joignent à nous, d'où le nom Assemblage requis. Hein? Oui. Les morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres à merveille. Tout à fait. De différentes formes. Quelle forme? De chronique, je parle. Chronique parlée, chronique musicale, des sujets variés. J'espère que dans toutes tes chroniques, ils parlent, par exemple, parce que sinon... Il y a des chroniques qui parlent pas mal moins que d'autres, en fait. Vraiment, là. Il y a des chroniques d'une demi-heure parlée, il y a des chroniques de juste de la musique et 3 minutes parlées. Ça dépend vraiment. Ouais, j'avoue. Moi, le lundi passé, mon plat favori, c'était assez short and sweet. Oui, c'était rapide. C'était un peu comme toutes les chroniques de Maxime Le Meilleur Ami. C'est à Saint-Valentin, on fait jouer ça, pis ça. Et voilà. Bloup. C'est ça. Bon. Fait que soyez-y, c'est ça que ça veut dire. Fait que go for it, fait que écoutez. Hein? On utilise ça, ces mots-là ici, assez fou. Pas de gêne, là. Fait que. C'est un mot, ça. Bon. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou. Oh, attends un peu. Hey, one minute, là, wow, hey. On est toujours au palmarès. C'est pas une musique de palmarès, ça. Ben non, regarde-moi ça, on avait fait pause tantôt, c'est la musique du palmarès. Ah! Là, voilà, on était rendu à nos prochaines positions, c'est-à-dire les positions numéro 13. Du côté anglophone, on va avoir The Rescue avec Televised. Et côté franco, Cri du chat avec L'Auberge sanglante qui baisse de 2 positions. Youpidoudaidou! Je peux pas m'arrêter fou! Ah, ça arrive, mais wow! Youpidoudaidou, pas m'arrêter fou! Doubidoubadou! Doubidoubadou! Non? Non! C'est quoi ça? Je t'en reparlerai. Youpidoudaidou! Ouais. Sanglante du cri du chat en position numéro 13 du palmarès francophone. On va sauter par-dessus la position anglophone, même si on l'avait nommée. On parle quand même de The Rescue avec Televised. On va aller directement aux 12e place. Du côté anglo, on va avoir Lauren Best avec Sex and Self-Destruction. Et du côté franco, c'est Jimmy Hunt avec la pièce Ça va de soi qui monte de 4 positions. Eh bien, tu parles d'une affaire, toi. Hein? Tu parles d'une affaire. Devoir sauter par-dessus une pièce comme ça sans... Sans le dire à la co-animatrice. Ben, je te prends par surprise, gars. Tu sais, toi, tu manges des framboises. Moi, non, ben. C'est ça, j'ai encore plein de framboises dans les dents. Là. Ça te fait bien. Parle à l'envers. À l'envers. Pour échanger avec elle, faut savoir lire dans ses yeux verts. Dans ses yeux verts, c'est dans ses jolies prunelles que se révèle son caractère. Son caractère. Quand elle ouvre la bouche, on croirait entendre une inuite ou un solo de Jimi Hendrix. Ah, ma belle, parle à l'envers. À l'envers. Pour échanger avec elle, faut savoir lire dans ses yeux verts. Dans ses yeux verts. Il paraît qu'elle s'est cognée la tête quand elle était petite. Y'en a qui croient que c'est maléfique. Elle s'est cognée la tête quand elle était petite. Y'en a qui croient que c'est maléfique. Le guérisseur a tenté sur elle tout ce qu'il y a de magique. Le sang, les plumes, les formules sataniques. Numéro 12. know that I deserve this. I said, oh no, my darling, you've just been rich one more round by sex and self-destruction, mass consumption and mass production and microcosms and scale productions, yeah. I'm still fading with make-believe, super-saturated fantasy. Fairy tales are lies you see, or cast in the clouds was built by me, and I never, ever, ever meant to tear it down. Of how much I hate feeling so much, lying so much, laughing and seeing so much, not thinking clearly and sleeping in too late, pondering, wondering, reading unsuccessfully and such. A perfect time to I'm turning once again to sex and self-destruction, mass consumption and mass production and microcosms and scale reductions, yeah. I'm still fading with make-believe, super-saturated fantasy. Fairy tales aren't lies you see, or cast in the clouds built by me, and I never, ever, ever meant to tear it down. Forget what I tried to be, ideals I seemed to fail to achieve, what I tried to make from what you made for me. Did you ever truly see? Did I ever truly believe? The difference between the heart and the soul. Mass consumption and mass production and microcosms and scale productions, yeah. I'm still fading with make-believe, super-saturated you and me. Fairy tales aren't lies you see, or castle in the clouds was built by me, and I never, ever, ever, ever, ever meant to tear it and noise. exploding waves. You wish you could belong. A piper at the gates to steal you from the dawn. No suicide. Retour, P.S. I Love You, il danse avec les genoux, panache et Karim Ouellet, au Palmarès C'est Fou, au 89.1 FM. Numéro 10. Oh, La formation PS I Love You avec la pièce Face Love, 10e position numéro, numéro 10. 10e position numéro 10 ou la première position numéro 10, la seule position numéro 10 en anglophone. C'était pas drôle. C'était n'importe quoi. Tout à fait. J'ai rien compris de ce que t'as dit. C'est la 10e position et non pas la 10e position. Non, en effet. Non. Côté francophone, la 10e position, c'était Alexandre Desilets avec la pièce Le souffle court. Est-ce qu'on a l'air de savoir où on est rendu? Bon, vous êtes toujours au palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. C'est pas compliqué, hein? C'est le meilleur du meilleur, la crème de la crème, la petite cannelle en poudre sur le dessus. C'est tout et plus. Et malheureusement, il faut qu'on passe par-dessus une chanson, même si c'est le meilleur du meilleur. Eh oui, c'est tout à fait vrai. On va sauter par-dessus. Et la position numéro 9 anglophone, Chili Gonzalez avec Never Stop, ça descend de 3 places. Mais on va aller entendre la pièce La Grande Chef avec Il danse avec les loups. Les genoux! Les genoux, c'est vrai. C'est ça, ben t'as compris aujourd'hui. C'est la joke, hein. Oui. Mais je l'avais jamais dit tout haut, le nom du groupe. Ouais. Il danse avec les genoux. Haha, il danse avec les loups. Groupe qui va être au Francouverte. Oui, quelle date, est-ce que tu sais? Parce que moi, je sais, juste pour te dire. Mais tu le sais, parce que t'as le papier devant toi. Ben non, voyons, c'est lundi le 21 février, c'est lundi qui s'en vient juste là. Tout à fait. Celle-là, là. Alors voilà, on va aller écouter Il danse avec les genoux. Ben OK. Si tu le dis, si tu veux. Après ça, on entendra nos prochaines positions. Directement après, les 8e Final Flash et Panache. Something.

Final Flash et Go Outside. Position numéro 8 anglophone, ça monte de 5 places. J'aime beaucoup cette pièce. Oui, hein? Excellente. Bien dit. Et avant, du côté francophone, à la 8e position, c'était la pièce Le Genou de Claire de Panache qui monte de 10 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Avant de passer à nos prochaines positions, c'est-à-dire les positions numéro 7, Karim Ouellet et Diamond Rings, on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès parce que Stéphanie, je te renseigne ici, c'est pas au courant. J'étais à veille de te reprendre parce que tu répètes toujours la même chose à chaque semaine. Ben les palmarès, c'est fou. C'est pas seulement un top 20 anglophone et un top 20 francophone. C'est aussi un top 30 des CD, un top 3 des 10 Canadiens. Caroline, Stéphanie, mais c'est comme si tu avais appris la formule des palmarès, c'est fou qu'on utilise depuis tellement longtemps parce que les palmarès, c'est fou. C'est. Non. Parce que les palmarès, c'est fou. C'est une recette gagnante et tu ne déranges pas une recette gagnante. Bon, vas-y, fais ton petit speech, là. C'est aussi une émission qui ne change rarement de semaine en semaine. En fait, si t'écoutes une émission de 3 ans, pas mal la même chose que maintenant, mais la musique change par contre. Elle, autant de niaiseries. Autant de niaiseries. Cool. C'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Et l'année passée aussi, il y a 2 ans. Mais c'était encore toi, et encore toi. Il y a 5 ans, il y a 6 ans. Oui, tout à fait. Toujours moi, c'est malheureux comme ça. Donc, tu le disais si bien, les palmarès c'est fou, c'est plus que seulement le top 20 anglophone et le top 20 francophone, c'est aussi le top 30 des CD, le top 10 électronique et le top 10 loud et le top 3 des CD canadiens. Exactement. Et voilà. Nouvelles entrées du côté du top 30 des CD, il y en a 3 du côté de la 30e place, c'est Doctors and Dealers avec Trouble. Wow, j'ai jamais entendu parler de Doctors and Dealers et c'est sur le top 30 des CD, j'ai hâte d'entendre. En tout cas, le nom, ça promet. Oui. Doctors voilà. And Dealers. Voilà. En 29e place, oui, c'est Emily Klepper avec l'album homonyme Emily Klepper. Ensuite, en 21e place, on trouve Christopher Daniel, qu'on a entendu aussi en 20e du palmarès anglo. L'album s'appelle Let the Sparks Fly. Je laisse faire le top 3. Pour le top 3. Des CD. C'est ça. Top 3 du top 30. Oui. 3e position, Atomic Baobab avec leur hippie. 2e position qui reste stable, Braids avec Native Speaker. Et première position, tu vas être content, oui. Wolf and Cub avec Science and Search. Ah, j'adore cette pièce-là, sérieusement. Ben, la pièce, l'album, je sais, j'ai pas encore écouté. Là. Je le dis. Bon, mais c'est une bonne pièce. Oui, voilà. Top 3 des tickets canadiens maintenant. 3e position, c'est l'ancien numéro 1, Nans and Nat avec Demo CD. En 2e, ça monte de 2, Atomic Baobab avec Atomic Baobab Maxi ou EP. Et en première, ça monte d'une aussi, c'est Braids, pas aussi, juste de une. L'autre, c'était de 2, fait que je sais pas pourquoi je dis aussi. Braids avec Native Speaker, Colin. Du côté du top 10, Loud maintenant. 2 nouvelles entrées. En 10e, Primordial avec Storm Before Calm. Et en 9e, c'est Death avec The Sound of Perseverance, entre parenthèses, Reissue. Pour le top 3, 3e position, Electric Wizard avec Black Masses. 2e position, Lazarus AD avec Black Rivers Flow. Et première position qui reste stable, c'est Motorhead avec The World is Yours. Je vais parler de Motorhead tantôt dans Guess What. Ah oui, pour vrai. Qui l'a cru? Qui l'a cru, dirait Patrice Lécuyer. Hein? C'est ça son émission, Qui l'a cru? Aucune idée. Je crois. Finissons avec le top 6 électronique. On va passer un bon 5 minutes là-dessus. Là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles entrées. En 10e place, Chad Valley avec Chad Valley EP. En 8e, c'est Turbo Weekend avec Bound EP. En 6e, Covenant avec Modern Ruin. En 5e, I'm Not a Band avec Electrolyn. Et en 4e place, Cut Copy avec Zonoscope. Ça, c'est excellent, Cut Copy. Ah oui! J'aime beaucoup ça. J'ai acheté l'album cette semaine. C'est très, très bon. Moi, j'aime mieux Paste. Code copy-paste, couper, copier-coller, c'est une blague de geek! Allô? Je suis pas geek, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais, je sais. Dans le top 10 électronique, 3e position, When Saints Go Machine avec Fell Forever. 2e position, Death in Plains avec Unreleased, Demo Past. Et première position, Marco Benevento avec Between the Needles and Nightfall. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Stéphanie, tu me le diras s'il y a une formule que tu veux genre ajouter ou changer dans les palmarès. Parce que les palmarès, apparemment, que c'est pas correct comme ça. Hein? Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu ferais différemment? J'ai pas dit que c'était pas correct. Je trouve juste ça drôle que c'est le même speech tout le temps. Tribune, change le speech. C'est correct. C'est ouvert à toi, les palmarès, c'est fou aussi. Même si t'arrêtes la musique, je vais partir mon iTunes, je vais coller mon micro sur mon ordi. Non, laisse faire. Mettre une autre, un autre background. D'accord. On va retourner au palmarès, OK? Je vais essayer de dire les choses différemment à partir de maintenant. Non, c'est correct, ça me fait rire. Retour au PAM d'Audio. OK? Fait que là, on est rendu au 7e place. Style comme du côté anglo, là, comme en English. C'est Diamond Rings avec Wait and See. Puis ça monte de 13. Comment dire, position autrement? Dis-le en anglais, ça règle tout. Position?

face, retaliating with silence, running away in place, chancing upon situations out of my league. I just need some provocation, and I'm down on my knees. Diamond Rings avec la pièce Wait and See de son album Special Affection. C'était à la 7e position, une nouvelle entrée de la semaine dernière. Avant, du côté franco, c'était Karim Ouellet avec Météor qui monte de 10 places. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Plume. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès assez fous. On se retrouve pour une troisième. Il va y avoir plein de choses, donc Roméo, Biobazar, Les Incendiaires, Alex Nevsky, Cardinal, Roy Riot, Nanzenat et la chronique Guess What qui s'en vient bientôt. Oh ben des nouvelles artistiques et culturelles, toi? C'est ça que tu veux? Oui! Restez là, c'est les Palmarès. C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 3e heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 14 au 20 février 2011. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, c'est Stéphanie Gagné. Et lui, qui d'autre que Mathieu Plante? Ah, mais oui, mais il est fatigué, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait partout? C'est quoi ça? Mais non, tout le monde aime Mathieu Plante. Ouais, ben si seulement. Si seulement. On est rendu pour position numéro 6 du côté francophone. On va sauter par-dessus Ariel avec Mauve qui monte de 2 places, mais qui est là depuis 7 semaines. Oui, mais on va entendre les 5e positions, mais tout d'abord, on va écouter la 6e position du côté anglophone, c'est Rara Riot avec Massachusetts qui grimpe de 13 positions. C'est tout par Marais, c'est fou, 89 FM, et après ça, juste après ce bloc de 3 pièces, c'est Stéphanie Gagné et Guess What? Guess What? C'est même pas une devinette, on vous dit la réponse dès le début. Hein? In Massachusetts. Oh, no. The young girl of the ocean sing, a pain to the mother offering, to hold tight onto the quay, to hold tight onto the side of the quay. Oh, it don't matter, it don't matter, it don't matter, no. should sing, a pain to the mother offering, to hold tight onto the quay, and then she gives him what she takes him away. Oh, it don't matter, it don't matter, it don't matter, no, it don't matter, it don't matter, it don't matter what you do. Avec elle. numéro 5. Nat, avec la pièce Tell Me, c'était à la cinquième position et c'était l'ancien numéro 1. Alors, on a un nouveau numéro 1 du côté anglophone. Wow. Incroyable. Je pensais que tu avais vu mes simagrées demain. Non, je vais pas regarder les simagrées demain. Avant ça, du côté franco, en cinquième, c'était Alex Nevsky avec 1000 raisons. Ça descend de la position numéro 2. Voilà. Tout à l'heure, on va entendre les positions numéro 4, Chromeo et Wing and Hollow. Mais avant ça, on met le palmarès en pause. Encore? J'ai encore fait le même bouton, c'est celle-là. C'est bon, voyons. Mais c'est pour une très bonne raison qu'on arrête le palmarès. Ça joue la la la, ça stop, tu sais. Ça, ça joue, maintenant la la la, ça stop. Pas dur, là. C'est une seule touche. Voici la chronique culturelle et artistique Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Les nouvelles de la semaine avec Stéphanie Gagné. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Évidemment, il y a les Grammys qui ont eu cette semaine, mais je vais garder le meilleur pour la fin. Okay. Alors, je vais parler des Grammys à la fin de la chronique. Bonne idée. Je vais commencer par les autres nouvelles un petit peu moins big que les Grammys, mais tout aussi intéressante. Un big, nouvel album. Moins Bieber. Nouvel album pour Radiohead. Très excitant. Le nouvel album va s'appeler The King of Limbs. Ils ont annoncé ça cette semaine. Ça va être leur 8e album. Leur dernier monte à 2007. C'était l'album In Rainbows qui avait été mis sur Internet, qu'on pouvait payer le montant qu'on voulait. Ça avait comme révolutionné un peu... Oui. Le monde de la musique. Ça avait révolutionné le piratage parce que les gens donnaient 0$, donc payaient autant que pour aller sur les torrents. Mais bon. Ouais. Oui, aussi. Mais à place de pirater, ils allaient chercher tout à fait légalement. Sans payer. C'est ça. Mais il y a des gens qui ont payé, par contre. Oui, beaucoup de gens qui ont payé. Je me rappelle pas du montant, mais c'est quand même. Mais ça, je pense que avec le montant qu'ils ont reçu, je pense que l'album s'était vendu en moyenne pour 4 ou 5$. OK. Quelque chose comme ça. Ça a du sens. C'est Mathieu bon Leblanc-Houl qui avait dit le montant à la Spirale à un moment donné. Ooh. Oui. En passant à la Spirale, tantôt, 6h. Jeudi 18h. Oui, jeudi 18h. Ouais. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs sites qui se contredisent pour la sortie de l'album de Radiohead. Il y a des places que ça dit que le 29 mars, l'album va être disponible en version physique. Il y a d'autres places que ça parle du mois de mai. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous commandez d'avance l'album sur le site thekingoflimbs.com, vous allez pouvoir avoir l'album de façon numérique dès le 19 février, donc samedi, qui s'en vient là. Ah ouais, juste là. Là. Celle-là, là. Donc, commandez l'album, vous allez pouvoir l'avoir le 19 février. Ensuite de ça, autre très bonne nouvelle, on sait que Malajub sort un nouvel album, La Caverne, le 19 avril. Ah. Et ils ont sorti une nouvelle pièce. Oh oui. Oui, je suis tout énervée, c'est la pièce Synesthésie et j'ai vraiment adoré. Est-ce que tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté les deux, ils sont super bons. Oh, c'est tellement bon. On peut télécharger la première, le premier extrait qu'ils avaient sorti, on peut le télécharger en MP3. Oui, mais ben c'est fichier, ça. C'est ça. C'est rendu qu'il y a deux teasers. Ouais. Mais le deuxième, je l'ai moins aimé que le premier. Mais dans le premier, c'est la chanson Synesthésie qui joue. Et on peut maintenant télécharger la chanson Synesthésie. Et la chanson est vraiment excellente. C'est super joyeux. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment hâte que l'album sorte. Alors voilà, allez voir sur le site internet de Malajub. Vous allez pouvoir télécharger la pièce Synesthésie. Et l'album sort le 19 avril. N'oubliez pas, c'est un must. Marte. Ensuite de ça, il y a un nouveau maxi pour Winter Gloves. Ça va s'intituler Heart Out. 3 pièces seulement. Oui, mais l'album vient juste de sortir. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est des restants de leur dernier album, All Red. Mais tu sais que ça aurait rentré comme vraiment bien. Là. Il est comme rempli au tiers, votre CD. T'sais. Vous pouvez toutes les mettre, vos tonnes. Oui, c'est ça, parce que l'album durait quoi? Une 27 minutes, je pense. 27 non? minutes, ouais. Environ une demi-heure. Gros max, une demi-heure. Là. Un épisode d'une sitcom, genre. Ouais, Catherine, mettons. Pas long, ça. Là. Alors, il aurait pu mettre les 3 autres pièces sur l'album, mais bon, ils sortent un maxi à place. J'espère que les chansons vont être un petit peu plus longues. Je suis pas sûr. Parce que si les pièces durent encore 2 minutes, un maxi qui dure 6 minutes, ça sera pas très long. Puis ça vaudra peut-être pas son pesant d'or. Non. J'ai hâte de voir ça. Oui. Ensuite de ça, il y a un nouveau clip pour The Foo Fighters. C'est pour la pièce White Limo. Et je parlais de Motorhead tantôt. C'est le conducteur de la limousine dans le clip. C'est le chanteur de Motorhead. Ah! C'est ma seule allusion à Motorhead de toute la chronique. Okay. J'en parlerai pas plus. C'est bon. c'est un clip à allure de petit budget, quand même assez humoristique. C'est pas leur premier clip drôle qu'ils font. Il y avait Long Road to Room de l'album Echo, Science, Patience and Grace qui était très drôle. Et bon, White Limo va être sur le nouvel album qui sort le 12 avril prochain qui s'intitule Wasting Light. C'est leur 7e album. Et je trouve ça étrange parce que le premier single de l'album est pas sorti encore. Le single, c'est Rope. Donc, le single, c'est pas le même que le clip. OK. C'est pas logique. D'habitude, tu sors un premier single, ça va être le même, ton clip. Ouais. Je trouve ça un peu illogique, mais bon. C'est ça qui est ça. C'est comme ça la vie. Et ensuite de ça, Death Cab for Cutie ont sorti une date pour leur nouvel album. On a hâte que ça sorte. Ça s'appelle Codes and Keys et ça va sortir le 31 mai. Ça a été annoncé avant-hier, mardi dernier. Tu as des réactions quand tu parles? Ah! Oh! Ah! Wow! Merci Mathieu d'ajouter tant de nos matos. Je les ai en même temps. Ouais. Et finalement, bon, évidemment, il faut parler des Grammys que tu n'as pas écouté. Ben non, mais je suis pas capable, là. Sérieusement, je vais virer fou si je regarde ça, là. Mais Lady je te Gaga, comprends. Justin Bieber, voyons donc. En plus, il y a tellement de prestations. C'est pas juste. Il y a tellement pas beaucoup de prix qui sont donnés aux Grammys. c'est que des prestations, je trouve ça un peu étrange. Et pas toujours des très bonnes prestations avec des artistes genre de qualité. Il y a eu du lip-sync. Ouais. Il y a eu Usher, par exemple, qui ne fait que danser. Ah ouais. Dude, si tu veux danser, deviens danseur. Fais pas semblant de chanter pendant que c'est un ordinateur qui chante à ta place. Uh-huh. Moi, je trouve ça idiot. En tout cas, bref. Bon, on se pompe, là. Voilà, c'est ça qui serait arrivé si on avait regardé les Grammys. Moi, je les ai écoutés. Donc, c'est sûr que je vais vous parler de Arcade Fire, mais je vais vous nommer les autres personnes qui ont gagné. Best Rock Performance, c'est Tighten Up de The Black Keys de l'album Brothers. En nomination, il y avait Arcade Fire et Muse. Muse qui a gagné pour le meilleur album rock avec son album The Resistance. The Black Keys a aussi gagné meilleur album alternatif contre Arcade Fire, Vampire Weekend, Band of Horses et Broken Bells. Et pour le meilleur nouvel artiste, il y avait Florence and the Machine et Mumford and Sons qui étaient en nomination. Et c'est Esperanza Spalding qui a gagné. Surprenant quand même, ça. Assez surprenant. Un artiste que je connais pas du tout, mais qu'on a vu un petit peu en prestation vraiment pas longtemps. Ouais. Et si je me trompe pas, elle joue de la contrebasse. Mais je suis pas certaine, je m'y connais pas en instrument d'orchestre. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai vraiment fait le saut quand ils ont nommé son nom. J'étais comme, oh, c'est sûr que c'est pas elle parmi les cinq nominés. Mais finalement, c'est elle qui a gagné. Peut-être qu'on devrait s'intéresser à ça. Peut-être. Je devrais aller voir ce qu'elle fait. Ça arrive des choses qu'on connaît pas. C'est assez fou. Peut-être ça que c'est super bon. C'est ça. On connaît l'underground, mais peut-être pas tout l'underground. Il y a beaucoup de choses sous le ground. Beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sous le ground. Yeah! J'aime ça. Yellow ground, yo! Et Florence and the Machine, qui est en nomination pour une nouvelle artiste, elle a aussi fait partie d'un hommage à Aretha Franklin au tout début du gala des Grammys. C'était super bon. Et pour les autres prestations, il y a aussi Mumford and Sons qui ont joué la pièce The Cave que j'adore. Ils ont ensuite chanté en compagnie de Bob Dylan. C'était vraiment, vraiment bon. Il y a aussi eu une prestation de Arcade Fire avec la pièce Month of May. C'était assez décousu et déchaîné. C'était vraiment assez fou. Il y avait des gens en BMX qui tournaient autour de la scène. Ils ont rocké la place, contrairement à toutes les autres prestations. Et après ça, c'était le gros moment là, pour l'album de l'année. Pas de surprise, tout le monde le sait maintenant, ça fait quand même quelque chose. Arcade Fire a gagné pour l'album The Suburbs. Ils étaient encore backstage, ils sont arrivés, ils avaient vraiment fait le saut d'avoir gagné. Et bref, moi j'étais vraiment contente, je sautais quasiment sur mon divan. Et après ça, ils ont chanté une autre pièce, ça finissait dans le fond le gala. Et c'était la pièce Ready to Start qu'on va entendre tout à l'heure. Et ensuite de ça, le lendemain, ils s'en allaient au Royaume-Uni. Ils s'en allaient pour les Brit Awards et ils ont gagné meilleur groupe international et meilleur album international. C'est leur année, je pense. Et j'ai écouté quand ils ont gagné meilleur album international, en tout cas un des deux, j'ai écouté cette partie-là des Brit Awards. Ouais. Et là, t'entends les nominés. Là, t'entends Arcade Fire. Ouais. Là, t'entends CeeLo Green. Fuck you! Katy Perry. Oui, ouais. Ça criait à toute tête. Et là, Arcade Fire a gagné. C'était vraiment une surprise pour eux autres aussi. Et allez voir ça, c'est tellement drôle, leur réaction. Ils sont arrivés, ils ont demandé « Hey, où la caméra? On est rendu bon là-dedans. » Notre nom, c'est Arcade Fire. Regardez-nous sur Google. Ouais. Ils ont dit ça, c'était carré. Ouais, les commentaires des gens, des jeunes, tu sais, les petits fanatiques de Lady Gaga puis de Justin Bieber, qui n'avaient pas dit « Ah, c'est qui ça, The Suburbs? » Tu sais, parce que c'est le nom de l'album d'Arcade Fire. Ouais. T'as vu le blog? Oui, oui, justement, c'est dans les trucs que je voulais mentionner. Ouais, c'est « Who is Arcade Fire? » Ouais, « whoisarcadefire.tumblr.com ». C'est génial. C'est vraiment cool parce que les gens se sont fâchés qu'Arcade Fire ait gagné aux Grammys. Donc, il y a eu plein de Twitter et ils ont mis tout ça sur le site « Who is Arcade Fire? » Avec des captures d'écran et des petits commentaires, des petites filles. « Lady Gaga a été volée. » Ah, Justin Bieber a tellement du talent. Là, comment ça c'est tellement gagner? Drôle. Ouais, c'est génial de voir ça. C'est super. Bravo. Et aussi à mentionner, quand ils ont gagné aux Grammys, ils ont tenu à remercier Montréal et le Québec. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. C'était vraiment sympathique. Ça a mis un peu Montréal sur la map. Et quand ils étaient rendus aux Brit Awards, ils ont remercié tous les groupes britanniques qu'ils ont inspirés. Des groupes que j'adore aussi. The Cure, The Smiths, Depeche Mode, plein d'autres bons groupes. Alors, j'ai vraiment bien aimé ça. C'était très cool. J'étais très, très contente. Et c'est ça. Alors, on va entendre la pièce de Arcade Fire, la dernière pièce qu'ils ont joué au Grammy, c'est la pièce Ready to Start. Arcade Fire avec la pièce Ready to Start de leur dernier album The Suburbs. C'est la pièce qu'ils ont joué aux Grammys qui a clôturé le gala. Et je voulais mentionner aussi une vidéo que j'ai vue sur YouTube, hilarant. Si vous voulez aller voir ça, ça s'appelle Arcade Fire Hipster Attack. Dans le fond, c'est trois gars, deux qui parlent de sont contents que Arcade Fire ait gagné pour le meilleur album. Mm. Et là, il y en a un qui dit « C'est qui ça, Arcade Fire? » Et là, il arrive une bande de hipsters qui se mettent à le battre. Puis là, ils sont sur le trottoir, puis là, ils regardent mon passé, puis ils disent « Est-ce que vous connaissez Arcade Fire? » « Ah, vous êtes mieux, il me semble aussi. » Puis il y en a un qui dit « Justin Bieber rocks! » ou de quoi comme ça. pas quoi. Puis il capote. Puis là, il est écrit en gros, Know who Arcade Fire is or hipsters will kill you. Sachez qui sont Arcade Fire, sinon les hipsters vont vous tuer. Oui, c'était écœurant comme vidéo. J'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment drôle. Bon, je ne tuerai pas personne qui trippe sur Justin Bieber, là, mais je vais probablement sortir un petit sermon. Oui, c'est ça. Et le respect va descendre. Ouais, exactement. Merci pour ta chronique Guess What, Stéphanie Gagné. Eh bien, de rien, Mathieu Plante. Ce sera de retour la semaine prochaine et toutes les semaines ici dans les palmarès. C'est fou. On va revenir tout à l'heure avec les positions numéro 4, Chromeo et Wing and Hollow. Mais avant, on prend une petite pause relaxation zen. Restez là. C'est fou, là, vous avez. 89. Stéphanie, t'aimes pas ma chanson de retour de pause pour 16h30? Super. Vous êtes de retour par le Reste Fou. C'est un condensé de la meilleure musique que Fou a à vous offrir. Il nous reste une demi-heure ensemble, assez pour entendre le top 4. Je dis assez. Espérons-le. Hein? Serré pas mal. Donc, on y va tout de suite avec un petit bloc qui sera composé de Wing and Hollow en quatrième position anglophone. Ça monte de 10 places. Et côté francophone, c'est l'ancien numéro 1. Donc, un nouveau numéro 1 pour le côté francophone. Aussi, c'est Chromeo avec J'ai claqué la porte. Et plus tard, dans l'émission, vous saurez qui sont nos numéros 1. Est-ce que c'est toujours Chromeo? Non, sûrement pas. Et Nanzinad non plus. J'aurais pas dû partir sans dire je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne. Et celle que j'utilisais les week-ends. Et j'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, il fallait que je sorte. J'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Et les mois ont passé, pas de nouvelles. J'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine, si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé. La porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Numéro 4. Long ago and far away, this is how I learned to win the war. The last thing I remember was the coming of the storm. I was born. This is how I learned to win the war. Nothing's different. nothing to say. Frozen trees and frozen hearts, far as my eyes can see, shine so bright in the morning light, but the burden's so heavy they break in the night. Oh, oh, oh, oh, oh, something beautiful, something dead, something beautiful, something dead. And it's always cold in Wichita. I guess I'll pray for rain when there's so much sun in California. Nothing's different, nothing's the same. Nothing to say. Long ago and far away, this is how I learned to win the war. Last thing I remember was the coming of the storm. I was warned, I was warned. Wing and Hollow avec Frozen Trees. Ça monte de 10 places en quatrième position anglophone. Ça a bien beau être du pleurnichage de filles. Je trouve ça très bon. Oui, c'est très bon. C'est excellent. J'aime beaucoup la voix de la chanteuse. Oui, bien d'accord. Et côté franco, c'était Chromeo avec J'ai claqué la porte, l'ancien numéro 1 francophone. Il nous reste seulement le top 3 dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et comme vous l'avez vu, il ne reste que très peu de temps. J'ai dit 4. Non, ok, non, c'est ça. Il me semblait, oui. On est rendu aux troisième position. On va entendre les troisième et deuxième ensemble. On va entendre plus tard Bio Bazaar et Braids. On va voir en troisième position anglophone pour commencer, ou presque, Atomic Baobab avec Cut It Up. Mais on commence avec Cardinal avec la pièce Une fin heureuse. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Les syllabes se bousculent dans ma bouche. Quand même. Bon. En tout cas, il nous reste 20 minutes ensemble. Alors restez avec nous au palmarès, c'est fou. Si on y croit, plus demain, on rêvera. Au jour suivant, aussi loin qu'il le faudra. Oh, numéro 3. I'm formation Braids et la pièce Flat Heart en position numéro 2 anglophone. C'est stable par rapport à la semaine dernière et c'est sur leur album Native Speaker. Et avant, c'était Bio Bazaar avec la pièce Moon Queen qui monte de 4 positions. C'est déjà la fin des palmarès. C'est fou pour cette semaine. Là, vous vous demandez, mais où sont nos numéros 1? Ils vont suivre juste après, après qu'on se soit dit au revoir et dans la case horaire de l'émission suivante pour un petit bout parce qu'on dépasse l'émission d'aujourd'hui. On n'est pas dans le temps. Que voulez-vous? Stéphanie va rester avec les auditeurs du jeudi pour son émission Une pêche en mission. Qu'est-ce qui s'en vient, Stéphanie? Plein de bonne musique et je vais reparler des Grammys. C'est superbe. Les auditeurs du vendredi, eux, vont aller rejoindre les lutins de l'enfer. On se quitte avec les numéros 1. Comme je le disais, du côté anglophone, c'est Wolf and Cobb avec ma pièce du moment, Seven Sevens, qui monte de 7 places. Et côté francophone, une nouvelle entrée la semaine dernière qui monte de 19 positions. C'est Les Incendiaires avec Amande d'immeuble. On se quitte là-dessus. Bonne fin de semaine, Stéphanie. Bonne émission. Bye bye. Bye. this thing.